Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Maxime Lemieux Laramin vient nous faire ses suggestions de musique à télécharger. Dans la chronique technologique CNX, on fait le tour des nouvelles geeks. Et tout ça, ben, c'est tout de suite, là. Maintenant! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, mon nom est Mathieu Plante. Et je suis Kiwan. Et bonjour à vous, bonjour Kiwan. Bonjour, ça va bien toi Mathieu? Très bien, une belle journée encore qui continue et qui termine la semaine presque pour nous à Assemblage requis. Oui, c'est presque déjà terminé. Moi j'ai passé une longue journée, je dois t'avouer, je me suis levé un peu tôt ce matin, mais encore plus que d'habitude en fait. J'ai eu un sommeil un peu troublé cette nuit. Mais qu'est-ce qui te trouble comme ça, Kiwan? J'ai eu peur un peu ce matin. Ben, tu sais, moi, juste une petite tranche de vie comme ça, je me lève toujours très tôt, puis je pars toujours travailler très tôt. Puis ce matin, quand je suis parti, je me suis levé un petit peu plus de bonheur parce qu'il y avait plein de camions de pompiers dans ma rue. Parce que le bloc à côté de chez nous brûlait, ben, un petit peu plus loin. C'est quand même comme à peu près à 5 pâtés de maison. Portes, là. Bon. Non, 5 portes, mettons, de chez nous. Mais quand même, j'étais un peu inquiet parce que. Quand j'ai mis mon nez dans la fenêtre, je voyais des flammes sur le toit de côté de chez nous. Ça réveille mal un peu. Ben c'est ça, mais là, il fallait que je m'en aille travailler, donc je pouvais même pas rester là voir qu'est-ce qui se passait. Donc je suis parti travailler, puis en croisant mes doigts pour avoir toujours une maison en revenant, puis c'est le cas. Finalement, ça avait l'air plutôt mineur comme incendie. Là, je pense que ça paraissait pire que c'était. Bref, tout est sous contrôle. Là. Et même pour la maison en question, est-ce que tout le monde a survécu et tout? Non, je pense, j'ai écouté un petit peu les nouvelles locales. Je pense qu'il y a quand même 6 personnes qui sont sans logis là, ce matin. C'est quand même pas drôle, là, mais ça aurait pu être pire. J'avais l'impression que ce serait pire. Là, ce matin, je pensais que la ville de Trois-Rivières était pour passer au feu. Mais bon, je suis un petit peu... j'ai tendance à m'emporter. Ouais. On est quand même un petit peu rassurés au moins. Et je pense qu'on va se rassurer tout le long de l'émission jusqu'à 17h ce soir. On va écouter de la musique réconfortante. Mais avant la musique, on mentionne ce qu'il y a plus tard dans l'émission. On va recevoir Maxime Lemieux-Laramé, comme à chaque jeudi. Oui, c'est ça. Vers la fin de l'émission, on va venir nous faire ses suggestions de musique comme d'habitude. Ça risque d'être des nouveautés, des découvertes pour nous-mêmes. Il nous fait toujours découvrir des trucs intéressants. Donc, c'est vers la fin de l'émission. Et dans une quinzaine de minutes, il va y avoir une capsule technologique CNX. Cette semaine, c'est les nouvelles geeks, donc des choses qui sont passées dans le domaine de tout ce qui est jeux vidéo, informatique et technologie. Mais avant ça, en musique, Vincent Vallière. Oui, tout de suite, Vincent Vallière, avec la pièce Sortir du bois, c'est dans le palmarès francophone cette semaine. Je vais suivre ton conseil et je vais commencer à l'appeler par un nom plus exotique. Genre Vincenzo Vallieros. Vallieros? Vallieros. C'est beau. Reste un bout à faire avant d'arriver. Me boirais ben une bière, mais faut continuer. Ouais, faut continuer. Les teintes sont gris et que tout me désole. Je sors la guitare et puis la musique me console. Je m'en vais sortir du bois. T'auras jamais vu ça. Je crois très fort. Je crois très fort en toi, la la la. Black Eyes de Au Bijou à Assemblage Rocky. Avant ça, c'était Vincent Vallière et Sortir du bois. Oui, Au Bijou qui, d'après moi, est en voie de se rendre jusqu'au numéro 1 du palmarès. C'est déjà en 3e position du palmarès anglo. Puis, et ça fait pas longtemps que c'est là en plus, donc ça monte très très vite. Ça. Très vite. Tantôt, il va y avoir un bloc CNX, un bloc technologique. Vous connaissez ça peut-être. C'est vers les 15h20 après le prochain bloc musical. Et on va parler de nouvelles geeks, plein de choses intéressantes qui sont passées. Hein? Ça va être le fun, ça! Ça va être tantôt, par exemple, pas de suite. C'est bientôt, c'est très très bientôt, dans à peu près 5-6 minutes, je dirais. Et évidemment, bien d'autres contenus d'ici la fin de l'émission. On va y aller tout de suite avec la patère rose. Leur succès du palmarès, la Marelle. C'est ce qui commence à l'instant. Hein? Un succès, c'est un succès du palmarès. Un succès du palmarès. Nouvelle expression. Un succès. It's a success. Vous êtes à l'assemblage requis, là. Au 89.fm, c'est fou! Assemblage requis jusqu'à 17h. glance. What's in, what's out, what our lives are about. You better dance the way we dance. And it has time to shine. Went down with all the rest. And I passed away on a beautiful day, looking more or less like everyone. L'indice et la pièce Ton cœur aujourd'hui. Ah, un jour, ce sera sur le palmarès, un jour, un jour. Un jour, mais pas aujourd'hui. Peut-être demain, qui sait. Peut-être. Peut-être. Vous êtes à Assemblage requis jusqu'à 17h. Et maintenant, qu'est-ce que c'est qu'Iwan, tu penses à cette heure-ci, toi? D'après moi, c'est l'heure de ta chronique technologique CNX. Tash.com. Aujourd'hui, la chronique technologique CNX, c'est le fil. Donc, on parle de nouvelles geeks, on parle de choses qui se sont passées dans le domaine des jeux vidéo, de l'informatique, technologie, ce genre de trucs-là. Genre de choses que je comprendrais pas. Mais que tu vas me demander des questions s'il se passe de quoi. Voilà. Commençons par quelque chose que tu connais sûrement, la pornographie infantile, Kiwan. Qu'est-ce que c'est, Mathieu? Explique-moi ce que c'est. Plus de 750 000 prédateurs sexuels cherchant à entrer en contact avec des enfants sont connectés en permanence à Internet, selon un rapport qui a été présenté mercredi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Hein? À l'échelle mondiale, les sites pornographiques exploitant les enfants se multiplient, disent-ils. Il y aurait plus de 750 000 prédateurs connectés à l'Internet en permanence. Un rapporteur spécial de l'ONU sur la vente des enfants a dit que la prostitution des enfants et la pornographie, mettant en scène des enfants... c'est ce qu'elle a alerté. J'essaie de faire une phrase cute, mais c'est à peu près ce qu'elle a dit. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF, calcule qu'il y a plus de 4 millions de sites Internet présentant des photos de jeunes mineurs, y compris des enfants de moins de 2 ans. Plus de 200 nouvelles images seraient quotidiennement mises en circulation, selon l'ONU, qui estime que le marché de la production et de distribution d'images pédopornographiques rapporterait chaque année entre 3 et 20 milliards de dollars. C'est beaucoup trop. Hein? Beaucoup trop. Ça, c'est vraiment la pire chose, là, de la pédopornographie, là. C'est pire. Non, mais tu sais, quand on parle vraiment de bébés... Très, très jeune. C'est vraiment incroyable. C'est ça. Si vous voulez faire quelque chose de croche, faites-le un petit peu moins croche que ça. Mais tu sais, tant qu'à y aller fort, eux autres, ils se disent, bah, tu sais, ils vont me donner au max. Non. Wow. Non, c'est ça. T'as-tu des nouvelles moins déprimantes dans ta chronique, Mathieu? Tu as tant mieux moins déprimantes, on va voir ça. Facebook est rendu à 300 millions d'utilisateurs. Le plus grand réseau social Internet du monde, Facebook, compte maintenant 300 millions d'utilisateurs et sa situation financière s'améliore plus rapidement que prévu. C'est ce qu'ils ont annoncé sur leur blog officiel. C'est un grand nombre, mais de la façon dont nous regardons la chose, ce n'est que le début pour atteindre notre but de connecter tout le monde, a-t-il écrit à propos de ces 300 millions d'utilisateurs-là. C'est d'autant plus phénoménal l'atteinte de ces 300 millions que Facebook comptait 100 millions d'utilisateurs il y a à peu près un an, en 2008. Ils ont également fait valoir que leur entreprise, dans le fond, avait obtenu des flux de trésorerie positifs au dernier trimestre. C'est bien. Les critiques ont fait valoir que malgré sa popularité, Facebook n'avait pas trouvé de modèle d'affaires profitable, donc ils font peut-être pas tant d'argent que ça, mais ils ont beaucoup de monde. C'est un peu difficile de faire de la publicité sur Internet de nos jours, avec les gens qui ne regardent plus vraiment la publicité. Ouais, mais je suis sûr qu'il y a un marché quand même là, pour la pub Internet. Puis ouais, la quantité, s'il y a un site qui peut bien être rentable, je pense que c'est Facebook. Je pense qu'ils veulent nous faire pleurer un peu en disant qu'ils sont prêts à de rentabiliser ça. Là. Évidemment, jamais assez d'argent pour eux autres. Là. Il va falloir qu'ils nagent dans le comme Picsou. T'sais. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils se plaignent un peu le ventre plein, mais en tout cas, c'est mon opinion. Là. T'as raison. Quelqu'un qui ne se vante pas, le ventre plein, c'est les fumeurs. Non? C'est tout. Aucun lien. Hein. Aucun lien avec la prochaine nouvelle. Les individus qui voudront cacher à leur médecin qu'ils fument dans le but d'obtenir une assurance vie à bon prix devront se raviser. Une équipe de scientifiques australiens vient de commercialiser un nez électronique capable de détecter rapidement et avec certitude certains composants organiques volatifs retrouvés dans l'haleine d'un fumeur. Le nez électronique développé à l'Université de New South Wales de Sydney est doté de 32 capteurs dont la résistance électrique se modifie au contact des composants volatiles caractérisant le souffle d'un fumeur. Le nez aurait été capable de distinguer un fumeur d'un non-fumeur 37 fois sur 39, c'est-à-dire dans 94% des cas. Cet outil de détection est efficace, rapide et beaucoup plus simple qu'un test de sang ou d'urine, dit-il. Hmm. Ouais, c'est sûr que c'est plus rapide et plus simple, mais bon, je crois qu'il existait justement déjà des moyens de le savoir. Là. Ou des nez très développés aussi, ça peut aider. Ouais, c'est... Ils testent des parfums pour le dessus de bras, t'sais. Ces gens-là, des fois. Ils pourraient tester des haleines de fumeurs, certainement. Ben, qu'un. Tant qu'à avoir une bonne job payante de même à sentir des dessus de bras, sentir des haleines de fumeurs, hein? Je comprends pas comment tu peux vouloir cet emploi-là. Y a-tu des contrats, tu penses, que ces gens-là peuvent faire où ils sentent des choses qui sentent bon? Parce qu'il me semble que c'est toujours des choses qui puent, tu sais, que tester ces parfums de Play-Doh, là, de la pâte à modeler, ça, j'aimerais ça sentir ça. Si tu peux avoir ce contrat-là, t'es quand même pas pire, placé, tu sais. En tant que nez, c'est pas pire, ça. Une autre technique qui permet d'identifier un fumeur consiste à mesurer le taux de monoxyde de carbone présent dans la laine. Or, cette empreinte olfactive n'est percevable que pendant quelques heures après la dernière cigarette de fumeur. Et après ça, on ne peut pas dissocier avec certitude l'origine du gaz carbonique, donc c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a peut-être qu'un robot, t'sais, un électronique, pourrait aider. Bref, des tests supplémentaires effectués sur un plus gros échantillon de volontaires sont requis pour juger de l'efficacité de ce nez électronique-là. Mm-hmm. Un artiste californien voulait devenir célèbre en diffusant sur YouTube une vidéo le montrant en train de faire un graffiti sur l'épaisseur d'un viaduc. Or, l'acte est illégal et la vidéo a servi de preuve devant la justice. En ce qui concerne sa popularité, il est légitime de croire que la stratégie employée a fonctionné puisque le vidéo s'est fait visionner plus d'un demi-million de fois sur YouTube. Apparemment, des policiers faisaient partie des intéressés puisque la police s'est mise à sa recherche. Une fois mis en état d'arrestation, le graffitiste, comme on les appelle, a écopé d'une peine de prison de 3 ans et 8 mois, en plus d'une amende de 120 000 $ pour avoir accompli environ 32 actes de vandalisme. Vous pouvez voir la vidéo dans l'article sur assemblagerequis.com. C'est beaucoup, là! 120 000 $! Ouais, mais 3 ans, c'est ça? 3 ans de prison? En plus! Hey, c'est hallucinant, tu sais. Réalises-tu qu'est-ce qu'il faut faire au Québec pour être 3 ans en prison? 3 ans et 8 mois, c'est presque 4 ans, ça. Hey, c'est fou, tu sais. Trop des graffitis. T'sais, au début, tu racontais cette histoire-là, puis je me disais, bah, il y a des gens qui sont pas très brillants, qui filment leurs crimes, là, pour mettre ça sur Internet. Puis là, je me disais que, bah, filmer des graffitis, il me semble que c'était un peu inoffensif. Ouais. Mais 3 ans et 8 mois, waouh, il aurait vraiment pas dû, finalement. Je sais pas si, est-ce que c'est pour faire de lui un exemple? Parce que peut-être que les graffiteurs, graffitistes, qui disaient, peut-être qu'ils se font pas prendre si souvent que ça. Ouais, fait quand il y en a un qui se fait prendre, peut-être que tu donnes une grosse punition. Mais tu sais, au Québec, y a-tu des crimes qui mériteraient des sentences exemplaires? Je pense que oui. Pis... C'est ça. C'est pas les graffiteurs. T'sais, quand on pense juste à Vincent Lacroix qui a pas eu ça, puis qui a pas juste fait des graffitis. Là, Disons que le système de justice est peut-être pas super efficace. Ouais, c'est sûr. Puis en même temps, on dit ça, puis peut-être que si notre système de justice était aussi sévère, on se plaindrait sûrement aussi. Là, ouais, puis ça me rappelle aussi le téléchargement de musique où la fille a 64 000 $ par chanson. Coûte 2 $ sur iTunes d'habitude. Il y a sûrement un juste milieu quelque part qu'on pourrait avoir. Là. Quelque chose de beaucoup moins sévère, puis qui donne quand même un bon exemple aux autres. Hein? Bon, c'est dit. L'encyclopédie en ligne libre d'accès, Wikipédia exploite le savoir collectif des utilisateurs du web de partout dans le monde, on sait, afin de partager de l'information à une vitesse qui rivalise souvent avec celle des médias traditionnels, dit le prochain article. Mais pour chaque personne bien intentionnée qui s'applique à maintenir la qualité d'un article de Wikipédia portant sur un sujet qui lui tient à cœur, il existe plusieurs farceurs qui mettent en ligne des commentaires diffamatoires ou des blagues afin de voir combien de temps va s'écouler avant qu'il soit retiré du site. Et bien, la fondation Wikimedia, qui regroupe Wikipédia et d'autres sites un petit peu moins connus comme Wiktionary, Wikibooks et Wikinews, affirme explorer présentement plusieurs méthodes pour mettre un frein au vandalisme. Parmi les tactiques envisagées, l'organisme cite la fonction Flag Revisions, qui signalerait tout contenu mis en ligne par les nouveaux utilisateurs afin qu'il soit révisé par des gens plus expérimentés, et aussi un logiciel Wikitrust qui donnerait des renseignements au sujet des auteurs des textes affichés sur leur site et sur leur fiabilité en se basant sur leur historique. Et bien, malheureusement, pour les victimes des vandales virtuels, le chef des communications de la Fondation souligne que la mise en place de ces moyens de protection ne se fera pas aussi rapidement que l'avaient récemment rapporté certains médias. Dans la liste des articles les plus vandalisés, Kiwan, sur Wikipédia, on retrouve notamment ceux sur Montréal, étrange quand même, l'Ontario, John A. McDonald, Paul Martin, Stephen Harper, les premiers ministres du Canada, évidemment, Gary Bettman, Steve Nash, Avril Lavigne et le castor, et aussi la licorne, wow. Tes animaux préférés. Mais oui, on parle pas du dauphin par contre, je suis un peu déçu. Mais ça, moi, je suis peut-être naïf et très peu informé, mais je pensais que ça se faisait automatiquement, là, qu'il y avait comme un comité justement qui inspectait chaque article que les gens postaient. Mais non. Bon, on peut voir les articles les plus récemment mis à jour, mais c'est vraiment des gens qui se tiennent dans des domaines. Il y a des gens qui surveillent les pages. Là, c'est n'importe qui, là, toi, moi, quelqu'un qui a le projet à cœur, qui va aller lui-même changer des trucs. Tu sais, ça me rappelle l'humoriste Stephen Colbert dans son émission à la télé, qui est très populaire et très geek par moment. Il avait demandé à ses téléspectateurs d'aller modifier la page sur genre les éléphants pour dire des faits pas rapport, des faits vraiment étranges. Puis là, ben, tout le monde se sont comme mis à accepter et dire que c'était vrai. T'sais. C'est bien et bien vrai que l'éléphant a, je sais pas... Six pattes. Bon exemple. Puis ben, ça a monté puis ça a marché jusqu'à temps que quelqu'un vienne renverser ça. T'sais. Et voilà, on va terminer rapidement avec la violence dans les jeux vidéo. Je veux aborder ça parce que c'est important. La violence dans les jeux vidéo de hockey peut s'avérer un bon outil pour enseigner aux enfants que les bagarres font partie du jeu. Et bien, dans certains cas, elle peut même aider à gagner, selon l'ancien capitaine des Canucks de Vancouver, Trevor Linden. C'est l'avis qu'il a émis dans le cadre d'une activité de promotion précédant le lancement du jeu très attendu NHL 10. Les scènes de combat de la dernière version de ce jeu sont particulièrement réalistes, dit-il. Selon lui, il ne faut pas nécessairement promouvoir la violence au hockey. Toutefois, il faut faire comprendre aux enfants que dans les bonnes circonstances, elle est nécessaire. Selon lui, l'aspect le plus amusant du jeu provient de la possibilité de se faire frapper sans que ça fasse mal. Il indique par contre que les parents et les entraîneurs doivent enseigner aux enfants à jouer au hockey de façon honnête et respectueuse. Quel bon avis. Ouais, je me demande comment ils vont faire ça, tu sais, apprendre aux enfants que des fois, c'est nécessaire dans le sport de se battre. Comment tu fais ça? Je sais pas, hein? Qui décide quand est-ce que c'est correct, tu sais? C'est le père de chaque enfant qui va décider que quand il aime pas tel joueur, c'est correct. Sinon, il faut pas, tu sais. Ouais. trop subjectif. Beaucoup trop, et ça donne, tu sais, c'est ça, ça donne un mauvais exemple, tu sais, de tout le temps vouloir se battre contre les gens qui sont contre toi, tu sais. Mais en même temps, dans ces cas-là, faut le faire, mais dans la vraie vie, faut pas le faire. Fait que là, c'est comme tu as vraiment l'affrontement entre la vie et le sport. Mais les jeux vidéo, si on parle juste de l'aspect jeux vidéo, c'est quand même bien d'avoir ça pour pouvoir te défouler, puis pas te battre dans la vie après, tu sais. Faut pas que tu prennes l'exemple qu'ils se battent dans un jeu, donc faut se battre dans la vie. Mm. C'est même le contraire, c'est que tu peux le faire là. Fait que soulage-toi, puis. Bref. Non, moi je suis pas de cet avis-là. Moi je dis que la violence dans les jeux vidéo, c'est ça qui nous fait vivre dans une société criminelle et violente. Bon. Ben, Ken, tu fais bon avocat du diable, Kiwan. Ça a l'air très convaincant. Ouais, hein? Très convaincant. Voilà, c'est la chronique CNX pour aujourd'hui. On se retrouve lundi et tous les jours, du lundi au jeudi, pour une autre chronique à 15h20. Et les chroniques sont rassemblées dans une seule et même émission. Les lundis à 10h, CNX.zip. Yes, yabadabadou! Oui, yabadabadou? Oui, tout à fait, yabadabadabadou. Ah, le deuxième daba est vraiment très, très propice. Ben, il est optionnel, en fait, là, donc je peux te comprendre de ne pas l'avoir mis, mais... Ça dépend si c'est John Goodman ou pas, là, parce que lui, il en rajoute des fois plus que... Ouais, c'est ça, c'est un excentrique, hein, lui, ouais. John Goodman. Fait, c'est pour ça qu'ils ont rajouté le petit dedans optionnel. Hey, qu'est-ce que tu dirais si on s'en va en musique avec Chinatown et la pièce du jazz avec l'Apocalypse? Chinatown! Hein? Ça pourrait être un nouveau... Zonomatopée. Une nouvelle onomatopée. On l'analyse. Vous êtes à l'assemblage requis jusqu'à 17h. Elle est bleue, la mer est calme. Tu fermes ta gueule et tu rames sur les radeaux d'inconvenance. Ton héritage américain. Dans la rue c'est différent, ça roule. Tu lèches les nuages indigestes. Un petit sourire dans la foule. Point fermé au fond de ta veste. Tu joues du jazz avec l'Apocalypse. Au milieu de la cité. Tu joues du jazz avec l'Apocalypse. Tu bois l'éclipse comme une tasse de thé. Des oiseaux inquiets qui parlent de déménager pour la plus proche nébuleuse et conquérir la voie lactée. Ce soir, sorbet carbonisé fond dans l'horizon démentiel, tu piques à travers les ruelles. Tu joues du jazz avec l'Apocalypse. Au milieu de la cité. Tu joues du jazz avec l'Apocalypse. Tu bois l'éclipse comme une tasse de thé. Dans tous les sens, y aurait du café dans la fusée, des conversations impudiques sur les terrasses ensoleillées. Tu joues du jazz avec l'Apocalypse. Au milieu de la cité. Tu joues du jazz avec l'Apocalypse. Tu bois l'éclipse comme une tasse de thé.

Dietro Fidelity et la pièce In Situ, c'est un classic gold hit relativement récent, fou. Oh, c'est un nouvel adjectif. C'est quand même pas pire. Donc, In Situ, très bien, très bien, très bien. Donc, ça va se retrouver dans la compilation classic gold hit qui est... Pas encore de date de sortie, en fait, là, d'annoncer, mais Mathieu est en train de nous concocter ça. Là, ça va être de la bombe! De la bombe. Grosse boulette. Bon, donc, vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. C'est l'émission du retour en pièces détachées, comme on aime dire une fois de temps en temps. Je vous rappelle que d'ici la fin de l'émission, dans un petit peu moins d'une heure, Maxime Laramé, Maxime le mieux Laramé, c'est le meilleur des Laramé, comme on dit, va être avec nous. Oui, il va venir nous faire faire des, il va venir nous faire découvrir des trucs. À chaque fois qu'il vient nous entretenir de sa chronique, il nous fait toujours découvrir des choses qu'on connaissait pas. C'est ça qu'on aime beaucoup avec Maxime. Donc, vers la fin de l'émission, on devrait sûrement là, découvrir des nouveaux groupes qu'on va aimer puis qu'on va vous faire jouer après. Puis tu sais, il y a vraiment plein de façons de découvrir de la musique, différents styles puis différents moyens. T'as-tu déjà écouté l'émission Tout sur moi? Oui, avec Machal et Manchik. Machal et Manchik, c'est un genre de pseudo fiction. Documentaire, un peu. Là, c'est, bon, c'est très, très bon. Le style est pas trop défini. Là, c'est un peu le nouveau genre dans le style. Il y a des racines dans la réalité et ensuite on agrémente de fiction. Ouais, c'est juste comme de l'autofiction, je sais pas trop. Puis, c'est ça, je sais pas si t'as remarqué, moi, un truc, j'ai pas souvent écouté ça. Je sais que cet été, là, ça joue en reprise tout l'été à Art TV. Puis je pense que ça joue encore en plus. Je pense qu'ils ont fait une saison puis elle joue en reprise depuis 3 ans. Mais bon, là, je sais pas juste ce que je dis. Mais en tout cas, il y a plein de reprises qui jouent tout le temps. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué, mais à la fin de l'épisode, c'est toujours une pièce différente qui joue. Comme pas de trame sonore qui est toujours la même. Ouais, dans le générique de fin. Dans le générique de fin, c'est ça. Ils font passer une pièce comme ça. Puis le groupe qu'on va écouter dans le prochain bloc, Client, c'est un groupe que j'ai découvert dans cette émission-là, qui est un groupe qui est vraiment connu à travers le monde. C'est juste que j'étais un peu ignorant. Je ne connaissais pas ce groupe-là. C'est un groupe anglais, je crois, qui font de l'électro-rock. Puis, c'est vraiment très bon. On va écouter ça dans le prochain bloc, mais avant, on va écouter 011, n'est-ce pas? Oui, voici La solitude amoureuse, avec un super featuring de Marginal de luxe. Dans le palmarès francophone, ça. Oui, et vous êtes à Assemblage Requis. 89.1 FM. sing song of love. Down to the Underground du groupe Client. Vraiment, j'adore cette pièce-là. Je ne me tanne pas de l'écouter. Moi aussi, j'adorais. C'est nouveau, ça? Cool. En fait, c'est pas nouveau. Ça date, je pense, de 2004. C'est vraiment pas nouveau, justement. C'est tout, en fait. C'est juste que je l'ai découvert récemment. Ça fait quelques mois, quand même, que je l'ai découvert. Mais vraiment, je ne me tanne pas. Je l'écouterai tout le temps, toute ma vie. C'est excellent. Toute ta vie, tu te marierais avec, dis-le donc. Hein? Ah ouais, tu vas voir le groupe sur Internet. Tu vas peut-être avoir le goût, toi aussi, de te marier avec elle. Ah. Peut-être. Bon. Moi, ça? Mais non, je sais pas toi. Regardez ailleurs. OK, donc, vous êtes à l'assemblage requis. C'est presque la fin de la première heure, mais il nous reste du temps pour écouter du Metric. Je pense qu'on devrait se gâter un peu. Ça aussi, c'est un des groupes dont on a toujours le temps d'en écouter puis qu'on ne se tanne pas d'entendre. C'est la pièce Gold Guns Girls qui est sur le palmarès anglophone cette semaine. On l'écoute tout de suite. Assemblage requis. 89.1 FM. Restez là tantôt. Il y a une nouvelle. Une capsule de vidéo avant la question, finalement. Une capsule. Oh. Magic et Gold, Guns, Girls. Toutes des choses qu'on adore. Hein. Gold, Guns. Les choses essentielles de la vie, là, je dirais. Je sais pas si c'est ironique, ça fait rap un peu. Hein, quand même. Ouais, c'est ça. C'est les choses essentielles de la vie de 50 Cent, on dirait. C'est de la grosse shit. Hein, c'est ce que j'ai dit ça. C'est un assemblage requis jusqu'à 17h. Et puis, il y a une deuxième heure qui s'en vient avec, entre autres, Maxime Lemieux-Laramé. Oui, entre autres. Et puis aussi, une chronique de Vidon Ladon, la question. Ah, yeah! Woohoo! C'est de la bonne shit. Bye. On revient. Bon retour, c'est la deuxième heure d'assemblage de Key, l'émission du retour en pièces détachées avec Key One, La Liberté. Et Mathieu Plante. Et vous, toujours. C'est le plus important, finalement. Vous êtes le plus important, absolument. Et on vous aime donc, vous. Non, mais le mets-en pas trop, là, quand même. Là. Ben, je vais commencer par les tutoyer. On t'aime donc, toi, le jeune. Ben oui, parce que là, sinon, si vous voyez, puis là, on croit pas du tout à la sincérité de ton amour. Si vous voyez, bivouac. Hein? Ah, ok, bivouac. Tu veux t'en aller dans les jeux de mots. C'était même pas voulu en plus. Bivouac, c'est le nom du prochain groupe qu'on s'en va entendre. La prochaine shit qu'on va entendre. Oui. Je vais arrêter avec ça. T'arrêtes de te prendre pour quelqu'un d'autre. Oui. On va écouter c'est un bordel. Est-ce que t'as un adjectif à mettre sur cette pièce-là? Ben, t'es barnouche. Ok, je pensais que c'est un genre de super gold hit classique. Ah, c'est un classic gold hit! Étoile, relatif au palmarès, c'est fou. Ça marche-tu, ça? Ok. C'est un bordel qui a fait un bout de vaisselle, un peu crotté. Something's wrong. Quelque chose ne va pas. The fade out, c'est ce qu'on vient d'entendre. Fondu vers le noir. Exactement. Exactamundo. Hey, The fade out, c'est un groupe qu'on a découvert cette semaine. Hein. On a reçu, c'est fou, on a reçu le disque ici. C'est un petit EP de 4 pièces, puis on a découvert ça, puis on aime ça, fait qu'on en joue. We received it on It's Crazy That. C'est québécois, et c'est fou ça. It's Crazy That. Crazy Dad. Bon, assez de traduction pour aujourd'hui. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. Et maintenant, on accueille notre très bon ami, le meilleur des Laramés. Voici Maxime Lemieux Laramé. Hey, bonjour, Maxime Lemieux Laramé, sa chronique télécharge quoi? Salut les gars. Salut. Salut. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ben oui. Hey, aujourd'hui, je suis vraiment content et excité. Wow, mais en pas trop. Parce qu'enfin, bon, à ma chronique, je vais avoir un artiste québécois. Je vais présenter une chanson québécoise. En ouais, fait, c'est la première fois. C'est la première fois. Ben, en trois semaines. Québécois ou francophone? Les deux. Ouais, ok. Mais ouais, c'est ça. Dans le fond, je voulais dire québécois francophone. Pardon. Non, non, mais c'est parce que des fois, ça aurait pu... J'essayais de me souvenir s'il n'y avait pas eu des groupes anglophones. Oui, il y en avait eu, des groupes québécois anglophones. Oui, il y en avait eu. Je suis désolé. Ouais. C'est pas un Canadien français. Non. Alors... Fait que t'es-tu encore excité quand même? Je suis encore excité, les gars. Toujours aussi mouillé. Je suis pas éteint. Fait que c'est ça, cette semaine, mardi. Mardi le 15. Mardi le 15. On est jeudi le 17. On est jeudi 17 en fait. Mais mardi le 15, il y avait le dernier album de la quadrilogie de Dumas, là, son concept Space là, qui sortait. Alors, c'était Au bout du monde, alors son quatrième. Il y avait eu Nord en hiver 2008. Ensuite, il y avait eu Rouge et Demain. Puis, c'est ça, dans le fond, moi, j'ai pas entendu le nouvel album au complet. J'ai entendu quelques chansons sur MySpace. T'avais-tu écouté les trois autres? Ouais, trois autres, je les ai vraiment aimés. Surtout le premier, Nord, là, j'avais vraiment aimé ça. Je trouve que il a su étaler tout son talent. Il y a beaucoup, c'est très musical, hein, très instrumental. Fait que moi, je suggère Nord pour commencer, peut-être si personne... Si vous n'êtes pas embarqué dans cette quadrilogie-là. Mais as-tu remarqué, toi, à travers les trois que tu as écoutés, parce que moi, j'ai juste écouté des bribes un peu partout, j'ai pas acheté les albums au complet. As-tu remarqué qu'il y avait comme une trame au travers des quatre albums? Ouais, un peu. Je sais pas si c'était voulu, là, mais un peu en même temps, tu sais, je veux dire, il a enregistré pendant peu de temps, fait que c'est sûr qu'il y a un fil qui suit. Mais je dirais que sur Demain puis sur Rouge, il y avait plus de chansons pop qu'on connaît avec Gère ou la chanson là, Oui, même moi. Tu sais, il y avait plus de hits comme. Plus dans ce style-là. Ouais, plus dans ce style-là. Mais le premier, c'est très instrumental. Plus ambiant. Ouais, c'est ça. Puis celui-là, comme je dis, je l'ai pas entendu au complet. Sauf que la pièce que je fais écouter, très pop. Alors, c'est L'amour en fuite de Dumas, de son dernier album Au bout du monde. Dans la chronique que télécharge quoi à Assemblage Requis. Exact. Thank you. c'était Au bout du monde de Dumas, de son album... c'était L'amour en fuite de Dumas, de l'album Au bout du monde. Je vous conseille Nord, hein, pour commencer la quadrilogie. Ouais. C'est le premier. Alors, c'est ce que je conseille. C'est ça, on pourrait peut-être, dans le fond, pour quelqu'un qui aurait vraiment l'intention d'écouter les quatre, tu sais, pourquoi pas suivre l'ordre dans lequel ils sont sortis. Exactement. Nord, c'est le premier. Essayez pas de réinventer le monde, là, quand même. Non, c'est ça. Fait qu'il y a un deuxième artiste? Oui, allons-y, deuxième. On voulait en discuter, hein, ça. L'album de Islands, qui, moi, je disais la semaine passée qu'il sortait cette semaine, mais dans le fond, il sort la semaine prochaine, le 22. C'est le 22 septembre. C'est ça, mardi le 22, Islands, avec son troisième CD, Vapors. Alors, on a entendu, je pense qu'il y a comme sept chansons sur MySpace là, du prochain album, si ça vous dit d'aller entendre un peu. Ouais, puis en fait, l'album est au complet. Je ne vais pas te relancer, okay. Mais l'album est au complet en écoute sur le site du magazine Exclaim. Exclaim.ca, donc on peut l'écouter au complet. Au complet, wow. Ils font des trous dans les murs, eux autres, tellement qu'ils se chicanent. Oui, c'est parce qu'il y a un trou ici dans le mur. Bon. Donc, Islands. Ouais, Islands, c'est ça... Comme on le disait tantôt, c'est parce que y a pas de chansons, en tout cas, que j'ai entendues qui m'ont accroché tant que ça. Là, j'aimais mieux vraiment le son de leur premier ou deuxième album. Bon, le premier album, Return to the Sea, c'était excellent. Puis Arms Way, moi, j'écoutais les 4-5 premières chansons là, en bobine, là, puis je trouvais ça excellent. Alors, je pense que c'est le consensus dans l'équipe ici. Ouais, Kevin et moi, on était dans le même... Est-ce que vous en avez fait jouer mardi, je pense? Oui, c'est ça. On a fait jouer une pièce du nouvel album, puis on a fait jouer une pièce pour comparer du premier album, Return to the Sea. Puis on voit vraiment, là, en les jouant un après l'autre, tu vois vraiment que c'est carrément deux styles différents. Mais en tout cas, moi, c'était l'artiste que je voulais faire découvrir. Je sais pas pour cet album-là. J'ai écouté un peu les chansons sur MySpace. Je suis pas convaincu que c'est leur meilleur, mais Islands reste une formation quand même à découvrir. Oui, vraiment. Alors, on va l'entendre No You Don't, de leur plus récent Vapors. Dans le bloc Télécharge quoi de l'émission Assemblage Rocky. Ouais. Avec Maxime Lemieux Laramé. C'est le meilleur de Laramé, tu sais. C'est le meilleur, tu sais. On va l'avoir avec MySpace, les amis. Hein? MySpace. Vive MySpace. Alors, c'était No You Don't de Islands, de leur plus récent album Vapors. En fait, plus récent, qui sort mardi. Là. Mardi prochain. C'est ça. Alors, vous êtes toujours à la chronique Télécharge quoi? À l'émission Assemblage Requis. Tellement bien dit. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je présente le troisième artiste? Ouais, let's go. Ouais, c'est ça. Alors, ça faisait longtemps que je vous... Ben, en fait, je vous en avais parlé. Je t'en avais parlé à toi, Mathieu, il y a quelques temps. Fait que là, tu vas me tester si je vois si je t'écoutais. C'est genre. Ça, si tu m'écoutais ou si t'as de la mémoire. C'est, je vais vous présenter l'artiste Girl Talk. Girl Talk, non? Oui. Je connais les mots. De nom, en tout cas, ouais, c'est ça. Alors, Girl Talk, bon, c'est un artiste un peu controversé parce que Girl Talk, sa musique, c'est du mash-up. Alors, c'est de l'échantillonnage, du sampling. Okay. Alors, dans une chanson, il va avoir comme 20-25 morceaux de pièces. Existantes. Existantes déjà. Connues. C'est ça. Mais tu sais, je veux dire, il n'a pas demandé de droit d'auteur à personne. Là. C'est, c'est okay. Ça, là. C'est alors, ouais, subtil, mais peut-être qu'il pourrait y avoir des problèmes un jour, peut-être avec ça. Peut-être. Ben, il y en a. Je sais pas, il y en a eu, mais tu sais, je veux dire, c'est, hein, on préfère un long débat sur le téléchargement illégal. C'est difficile, je veux dire, de dire qu'est-ce qui est. D'aller répertorier quelle pièce est à qui, puis tout ça, puis après ça, demander les droits, puis payer pour ça, puis à un moment donné, tu n'en feras plus de musique. Là. Ben, exactement. Puis moi, ça fait longtemps que je connais Girl Talk, mais cet été à Oceaga, il était là. Mais c'est pas tout le monde qui l'a vu parce qu'en même temps, il y avait Coldplay à l'autre bout du site. Alors, il fallait faire le choix déchirant entre aller voir bon Coldplay ou aller voir Girl Talk. Mais moi, vu que j'aime pas les foules, non, je niaise un peu, là, mais vu que ça me tentait pas d'être avec 50 000 personnes, puis que j'aime beaucoup Girl Talk, j'ai décidé d'aller faire le party avec Girl Talk. Puis vous allez voir, c'est de la musique de party. En fait, je pense qu'on devrait... comme partir la chanson puis en discuter après parce qu'il faut vraiment entendre le son pour comprendre quel type de musique c'est. Alors, on va aller entendre Play Your Part qui est sur l'album Feed the Animals. Juste là, dans l'assemblage requis, c'est de la chronique télécharge quoi? My bitch a choosy lover, never fuck without a rubber. Never in the sheets like it on top of the cover. Money on the dresser, drive a compressor. Top notch hoes get the most, not the lesser. Trash like the fuck with $40 in the club. Fucking up the game, bitch, it gets no love. She be cross country, giving all that she got. A thousand a popper, pulling feelings off the line. I smashed up the gray one, bought me a red. Every time we hit the parking lot, we turn head. Some hoes wanna choose, but them bitches too scary. Your bitch chose me, you ain't a pimp, you a fairy. Yeah. Alors, c'est ça, Girl Talk. Donc, finalement, on reconnaît vraiment là, les pièces. Oui, c'est ça. C'est vraiment comme un, tu sais, c'est de l'échantillonnage. Là. C'est des petits bouts de pièces que lui, il a raccommodé, fait des petits beats avec ça. Tu disais qu'il y a des petits bouts plus underground, des affaires que tu connaissais moins du rap. Oui, c'est ça. Des fois, il y a du hip-hop bon, pour garder un peu le beat là, que moi, je connaissais pas. Puis comme, sur cette chanson-là, là, sur Play Your Part, il y a 25 échantillonnages. Dans le fond, on a entendu 25 chansons. Imagine dans un CD, ça fait des centaines. Ben, c'est ça, ça fait des centaines. Ouais, c'est ça, ça fait des centaines. C'est beaucoup de recherches. Ouais, c'est beaucoup de recherches. Puis je veux dire, bon, on peut s'astiner sur la légalité de la chose. Là. Ce qu'on a fait, puis on se dit, c'est-tu un artiste ou un DJ qui vient placer des trucs dans un certain ordre? Ouais. Faut-tu du talent? Oui, il faut du talent, mais c'est-tu un artiste? En tout cas, dans la pièce qu'on a entendue, là, il y avait des hits. Là, on a entendu Jay-Z, TTC, Rage Against the Machine, puis Sinead O'Connor. Sinead O'Connor. Fait que c'est ça, c'est un artiste de Pittsburgh. En tout cas, moi, j'aime bien ça. Puis en spectacle, ça prend quelle forme? C'est incroyable. En spectacle, c'est que tout le monde danse, tout le monde est dedans. T'sais, c'est vraiment. Tu peux pas écouter ça chez vous, relax, en train d'étudier, mais. Moi, je dis pour un party, là, tu mets une couple de tunes de Girl Talk, là, puis le party, il part, là, parce que c'est toutes des chansons connues, des chansons que le monde aime chanter puis danser. Ouais. Alors, moi, je trouve ça vraiment cool. Là. En tout cas, ça va plaire à la foule de Lost Fingers, etc. De tunes connues, mettons. De tunes connues, ouais. Des gens qui aiment les affaires connues. Ouais, c'est ça. Mais moi, en tout cas. Ben, toi, t'aimes ça aussi, puis c'est correct. Moi aussi, j'aimais ça. Toi, t'as aimé ça, Kim? Oui, j'aimais ça. Bon, consensus. Ouais. Hey, avant de partir, oui. Je voulais vous dire, moi, la semaine prochaine, je m'en vais voir des spectacles. Puis okay. Vous? c'est gentil de nous faire part de ton agenda. Qu'est-ce que tu vas voir? Ouais, c'est ça, je m'en vais voir jeudi prochain, je m'en vais voir Patrick Watson cool. Au centre culturel de Shawinigan. Et le lendemain, il y a Yann Perrault. Même adresse, le vendredi, Yann Perrault. Fait que je m'en vais voir ça, puis je vous invite, je sais que vous aimez ça, Yann Perrault. Oui. Je sais pas pour Patrick Watson, mais... Aussi. Fait que si ça vous dit, je pense pas que c'est si cher là, pour des étudiants. Bon, on va s'informer. L'invitation est lancée, tout le monde viendra nous rejoindre. Ouais, alors à la semaine prochaine. Merci, Maxime. Ça me fait plaisir. C'est Maxime Lemieux-Ramé qu'on vient d'entendre, avec sa chronique Télécharge quoi. Il sera de retour la semaine prochaine. Où le sera-t-il vraiment? Hein? Non? Running gag, blague à la course. Blague à la course, il fait comme la blague a fait. Comme ça, marche, puis elle court. Maxime Lemieux-Ramé, merci encore. C'est le meilleur des Laramé. Bon. Q1. Oui. Sauve-moi encore, s'il te plaît, de mes mauvaises blagues. Ouais, je pense que le meilleur moyen de s'en sortir, ce serait d'aller en musique tout de suite. Ouais. Avec, je te suggérerais comme ça au hasard, Les Incendiaires et La Menace Digitale. Ça se retrouve, ça, dans le palmarès francophone. Et je sais que tu as toujours ton palmarès sur toi. Toi, tu es un gars qui porte le palmarès. Donc, on va écouter La Menace Digitale des Incendiaires. C'est comme tu me dis que j'ai comme le palmarès dans la main, sur les doigts, digital. Exactement. C'est Portez attention aux rimes en al dans cette pièce-là qui sont souvent douteuses. Bon, ça va aller avec mon humour, hein? Tout à fait. Bon, les incendiaires, tu sais. L'assemblage requis, l'émission du retour jusqu'à 17h avec Kéwan et Mathieu. C'est fou qui joue dans votre radio. Yeah. 89.1. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky jusqu'à 17h. C'est Mathieu Plante et Kiwan La Liberté qui sommes avec vous. Oui, pour encore une vingtaine de minutes. Il reste encore une vingtaine de minutes à l'émission, puis il reste encore de la bonne musique à venir. Il reste aussi peut-être des suggestions sorties, même, je dirais. Absolument, mais on va commencer ça avec la musique de The Sounds. Oui, on va écouter la pièce Underground du groupe The Sounds, et ça va être suivi de Demon Tear, mais pour tout de suite, Underground, The Sounds. Vous êtes à Assemblage Rocky. L'émission du retour en pièces détachées. Je le dis quand c'est fait avec la situation, le contexte. Let us go back to the time when the underground was the place where we all used to hide away. Let us go back to the streets where it all began. How could I know? It was the last time I saw you. 17, didn't believe in just anything. Could be true, could be bad, something in between. I recall all those lazy songs. Underground du groupe The Sounds. Et maintenant, Mathieu, j'ai une petite suggestion pour toi en fin de semaine. Tu savais qu'à Trois-Rivières, il y a une compagnie théâtrale basée ici à Trois-Rivières? Ouais. Le Théâtre des gens de la place. Oui. qui font toujours leur production à la salle Anaïs Allard Rousseau, la Maison de la Culture, ici à Trois-Rivières. Et puis, c'est le début de la saison 2009-2010, aujourd'hui même. Ils ont toujours trois productions par année. Donc, une au mois de septembre, une au mois de décembre et une au mois de février. Donc, ce soir, c'est la première de leur première production. C'est Les Fourberies d'Escarpins de Molière, qui est mise en scène par Évelyne Charland et assistée de Daniel Brassard. Donc, c'est à la salle Anaïs Allard Rousseau. Ça commence aujourd'hui. Ça coûte 18$ pour les adultes et c'est 15$ pour les étudiants. Et puis, je me suis informé, il reste encore des places. Il reste quelques bonnes places pour ce soir, mais il en reste pas tant. Donc, dépêchez-vous. Et puis ça, toutes les productions du Théâtre des gens de la place sont toujours... il y a toujours 6 représentations. Donc, c'est 2 fins de semaine d'affilée. Donc, c'est jeudi, vendredi, samedi. Donc 17, 18, 19 et la même chose la semaine prochaine, 24, 25, 26 septembre pour Les Fourberies d'Escapins, un classique de Molière, bref. Et puis c'est une compagnie théâtrale de chez nous ici là, qui font leur truc ici, qui le produisent, nom dit, c'est des comédiens d'ici, donc c'est vraiment local, donc encouragez la scène culturelle locale et allez voir cette pièce ce soir à la salle Anaïs Allard Rousseau. Super. Un autre événement qu'il y a pour les gens qui sont du type à voyager autour du Québec et à aller peut-être à Québec. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est ça pour les Globetrotters là, qui voyagent autour du globe, a fait un arrêt à Québec. Parce que c'est le lancement de la programmation automnale de Chiz, qui est notre équivalent, une radio universitaire là-bas à Québec. C'est au Cercle ce soir. Et leur nouvelle saison avec plein de nouvelles émissions, plein de choses qui bougent, qui changent. Et il va y avoir des performances vraiment intéressantes. Oui, pour lancer leur nouvelle saison, ils ont été des groupes qu'on aime beaucoup ici, des groupes qui sont dans notre... presque tous dans le palmarès. Sauf Monogrenade, qui est un groupe francophone qui commence à vraiment avoir beaucoup de succès sur la scène underground. Oui, j'en joue parfois dans mon émission. Je pense que j'en ai entendu aussi à l'émission de Sophie Laforêt. Vous êtes tellement à la pointe. C'est vraiment très bon, Monogrenade. Je suis sûr que ça va jouer un jour aussi. C'est que ils n'ont pas vraiment distribué leur album encore, mais je suis sûr que ça va venir. C'est vraiment très bon. Puis sinon, si vous voulez les découvrir, allez faire un tour au Cercle à Québec ce soir. Puis sinon, les autres groupes avec Monogrenade, Elephantine et Demon Here, deux artistes qui sont dans le palmarès ici, deux groupes qu'on aime beaucoup. Et on va aller écouter un de ces groupes-là pour l'instant, sans entendre la pièce qui est sur le palmarès de Demon Here. Oui. Voici Bronzage. Bronzage. Est-ce qu'on dit bronzage? Je sais pas. Moi, je dis Bronze Age, puis on me dit, là, j'ai fait bronzage, fait que je dis bronzage. OK, bronzage. De Demon Here. En fait, il y a personne qui m'a dit ça, c'est que je me dis, tu sais, c'est bronzage. Ça existe pas en anglais, ça? Bronze Age? Non. De l'assemblage requis au 89.fm. Oh, Damon Pierre et la pièce Bronze Age ou Bronzage qui est sur le palmarès de C'est fou du côté anglophone cette semaine. Et c'est ce qui termine l'émission pour aujourd'hui et pour cette semaine aussi. Oui, c'est la fin, donc on doit remercier plein de gens, comme se veut la coutume des remerciements du jeudi. Hein? C'est une jeune coutume, mais elle grandira, soyez-en sûrs. On remercie Vanessa Parietaire pour la musique originale. Danny Janvier pour le montage sonore. Nos chroniqueurs Maxime, Sébastien, François et Simon qui sont là chaque semaine avec leurs chroniques merveilleuses. Oui, et puis la semaine prochaine, on aura un nouveau membre à l'équipe, une nouvelle chronique mardi prochain, manquez pas ça, chronique plein air avec Émilie Gauthier, ça commence la semaine prochaine. Ce qui est sur nos ondes ce soir, assez fou, plein d'émissions à surveiller. Commençons à 17h avec les Pabèches en mission. Dans quelques minutes, les Pabèches en mission, ça va être suivi de La Spirale avec Mathieu Leblanc-Houl. Ensuite, ce sera le Garage, émission de punk et d'hardcore. Et Sky Punka. Pour du punk rock et d'autres affaires. Pour terminer la soirée. Ça va être une très belle soirée. Nous, Kiwan et moi, on vous retrouve demain soir. Oui, pour les palmarès à 17h. Et puis, moi, je ne vous retrouve pas demain pour la dernière porte à gauche, puisque c'est maintenant les mardis à 17h. Donc, fini les vendredis soirs avec la dernière porte à gauche. C'était plate, ça. Mais je vous donne quand même rendez-vous mardi prochain. Puis sinon, ben, on se retrouve lundi, Mathieu, pour Assemblage requis à 15h. Passe une très belle semaine, Kiwan. Toi aussi. Vous aussi à la maison et on vous aime beaucoup, où que vous soyez, dans la voiture ou n'importe où, on s'en fout un peu. En tant que vous écoutiez Assemblage requis, lundi au jeudi, 15h. Lundi, il y aura le retour de la pilule du lendemain et du dîner de con, nos nouvelles émissions quotidiennes. Elles continuent, comme ils disent les jeunes disent. Bonne fête de semaine, Kiwan. Bye bye. Bye. Les pains bêches s'en viennent. Juste après l'Info Campus.